Bonjour, j'espère que vous allez bien. Jean-François avec vous pour l'émission numéro 26 sur le Terminus. Pour cette émission, je vous ai choisi des nouveautés de Monogrenade, Braids et du groupe CI. On va commencer avec le groupe British Sea Power avec leur album Valhall Dance Hall qui est sorti au début du mois de janvier. C'est un groupe que j'avais un peu perdu de vue depuis la sortie de leur premier album en 2003. Cette fois-ci, ils reviennent justement avec un son plus proche de leur début, un son plus à fleur de peau. C'est ce qu'on va justement entendre sur la chanson Who's in Control de British Sea Power. Call Breastfeeders avec la chanson 400 000, le premier extrait de leur nouvel album Dans la gueule des jours, prévu pour le 8 mars prochain. C'est une chanson qu'on avait quand même eu l'occasion d'entendre en spectacle depuis un petit bout de temps. Parlant de spectacle, ils seront le 10 mars à la Tulipe à Montréal, le 18 mars au Théâtre Granada à Sherbrooke et le 1er avril au Cercle à Québec. Juste avant, c'était Sebado avec la pièce Rebound de leur album Bake Sale, sorti en 1994. Je vous ai fait jouer du Sebado parce qu'ils seront en spectacle le 7 avril prochain à la Sala Rossa de Montréal. Depuis 2007, les vétérans du Lo-Fi sont de retour à la formation originale alors que Eric Gaffney, Lou Barlow et Jason Lowenstein sont de nouveau réunis En tout cas, ça va être un spectacle à ne pas manquer. Et on avait débuté le bloc avec British Sea Power et la pièce Who's in Control. On va retourner en musique avec Eugène et le Cheval qui font partie de la sélection des Francouvertes 2011. Ils vont faire paraître également un nouvel album dans les prochaines semaines qui s'appelle Plantes carnivores et autres mécanismes de défense. Ils ont mis en écoute et en téléchargement sur leur site deux extraits de cet album. Il y a la chanson 1955 et également la chanson Appartement qu'on va d'ailleurs entendre tout de suite du groupe Eugène et le Cheval sur le Terminus. Les murs de ton appartement se Take Your Dancing de Say Hi, le projet indie pop d'Eric Ilbogen qui vient tout juste de faire paraître un nouvel album qui s'appelle Whom Who Ho, si j'espère que je prononce bien. Et Say Hi sera d'ailleurs en spectacle le 5 mars à la Casa del Popolo de Montréal. Tout juste avant ça, il y avait Monogrenade, la chanson Tantal, qui est en fait le premier extrait de l'album qui est prévu pour le 1er mars. Ça fait suite à un mini-album fort prometteur qui était paru en 2009. Et on avait débuté avec Eugénie Lecheval, la chanson Appartement. On continue avec Dream Sucker du groupe Grooms. Et ça, c'est sûr, le terminus. I've seen her through C'était Alcoholic Fate Mission, la chanson My Eyes to See, tirée de leur album Let This Be the Last Night We Care, qui est sorti l'année passée. Ils ont un son quand même assez similaire à Broken Social Scene, et il y a un vidéoclip qui a été fait pour la chanson My Eyes to See que je vous invite à regarder, même si c'est un petit peu bizarre, je vais mettre le lien sur le site. Avant ça, on entendait le groupe maintenant montréalais Braids avec un premier album qui était pas mal attendu, qui est finalement sorti en janvier dernier. Il s'appelle Native Speaker. La chanson que vous entendiez s'appelait Plat Heart. Et le bloc commençait avec Grooms, la pièce Dream Sucker. Grooms sont d'ailleurs sur le même label que Braids, Canine Records. On est pas mal rendu à la fin de l'émission. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez me contacter d'abord par courriel à info@commercialleterminus.ca, mais surveillez également le profil Twitter et Facebook pour me contacter. On va conclure l'émission avec un groupe de Montréal qui s'appelle Surface of Atlantic, qui propose un rock assez planant. Ils ont d'ailleurs fait la musique du premier film de Xavier Dolan, Je tue ma mère, mais ils ont aussi sorti un album qui s'appelle A Frame Per Season l'automne passé. Voici la chanson Si, de Surface of Atlantic. À bientôt.